Activité 10. Bonjour et bienvenue sur Radio Musique. Nous recevons aujourd'hui le célèbre chanteur guyanais Chris Lombrette. Bonjour Chris. Bonjour. Chris, vous avez fait des concerts en Guyane, en Martinique. Racontez-nous votre tournée. Eh bien oui, j'ai fait 12 concerts. J'ai pu voyager pendant 2 mois dans différents départements de la France, différentes villes, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France. C'était vraiment super. Et quel est votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir de concert? Je crois que c'était en Guyane, dans ma ville, à Cayenne. Il y avait environ 300 personnes. Ils connaissaient les chansons par cœur et ils ont tous chanté avec moi. C'était magique. Merci, Chris. Et maintenant, vous préparez un nouvel album, c'est ça? Oui. Le CD sera prêt dans 3-4 mois.